quand je pense à la vieille Anglaise qu'on appelait le Queen Mary, échouée si loin de ses falaises sur un quai de Californie. Quand je pense à la vieille Anglaise, j'envie les épaves englouties, ton courrier qui cherchait un rêve et n'ont pas revu leur pays. M'appelez plus jamais France, la France elle m'a laissé. J'étais un bateau gigantesque, capable de croiser mille ans. J'étais un géant, j'étais presque, presque aussi fort que l'océan. J'étais un bateau gigantesque, j'emportais des milliers d'amants. J'étais la France, qu'est-ce qu'il en reste? Un corps pour les corps morts. Ne m'appelez plus jamais France, la France elle m'a laissé. Quand je pense à la vieille Anglaise qu'on appelait le Queen Mary, je ne voudrais pas finir comme elle sur un quai de Californie. Que le plus grand nous parlions de mauvaise réputation. La chanson qui vient m'en a valu une curieuse. Et dans le sens opposé d'ailleurs à ce que voulait dire la chanson. Je ne l'ai pas mis souvent dans mes tours, mais ce soir c'est avec une pensée particulière que je vais vous chanter les Ricains.